En réponse au message de félicitations envoyé par le dirigeant suprême Kim Jong-un, le nouveau roi thaïlandais Maha Basilalongkorn lui a fait parvenir un message le 23 décembre. Il a souhaité le plus sincèrement au camarade Kim Jong-un santé et bonheur, à la République populaire démocratique de Corée et à son peuple bien-être et prospérité.